fois bien compris. S'enrichir de nos différences provoque une douce alchimie. Ah oui, coup de petit verre d'eau de vie. Un vent nouveau gonfle la voile, le vin nouveau qui nous unit. Plus brillante notre bonne étoile, attisée par le souffle de la synergie. Ah oui, un coup de petit verre d'eau de vie. Attisé par le souffle de la synergie, à coup de stance facile, faisons.